Une feuille, un stylo, j'écris ça bien stylé. Dans le studio, c'était ma destinée. Tout est écrit, ma gueule, je fais pas de ciné. Oui, tout est vrai, je te le fais rimer. Je suis pas là pour frimer. Avec la famille, je kiffe plus pour délirer. Et ouais, j'ai ridé. On prend de la bouteille comme un Jack distillé. J'ai des milliers d'idées, je te crache tout comme si je me les vidais. Une grosse paire de couilles pour les éliminer. Tous des gros minets, ils font les vaillants, mais ils passent le balai. Jacques, j'ai le dos bien entaillé. Vos paroles de pute pourront pas m'humilier. J'ai vécu des chaussures à en finir timbré. Mais je suis toujours debout, c'est vous qui êtes à mes pieds. Un peu m'arrêter, tu peux mes pieds sur les réseaux sociaux. Tu sais qu'il y a un dieu, ouais, tu payeras tes fautes comme un gros cas sociaux. J'ai sourire aux lèvres, la pêche, la banane. Même si tous mes rêves finissent en cabane. Bravo, honneur, force.